Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Je pense donc je suis, lisait-on sur la banderole attachée à la colonne de la République après les attentats contre Charlie Hebdo qui firent 12 morts et 11 blessés le 7 janvier 2015 à Paris. Par une intuition extraordinaire, les manifestants avaient choisi l'une des formules essentielles de René Descartes, philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle. Pas de slogan politique, pas de mot d'ordre révolutionnaire, 4 millions de personnes défilant dans les rues de Paris, 50 chefs d'État à Paris, sous ces simples mots essentiels à la liberté de l'homme et à son libre arbitre, « Je pense, donc je suis ». René Descartes est un personnage d'une grande originalité. Il fait des études en Touraine, étudie sans cesse, mais comprend assez vite que tout ce qu'on lui apprend n'a guère d'intérêt, sauf les mathématiques et l'escrime sur lequel il écrit un traité. Il cherche un peu sa voie en voyageant, menant une vie mondaine, en se gardant de toute rencontre inutile. La société parisienne ne l'intéresse guère. Il s'installe aux Pays-Bas. Comme le souhaitait son père, il embrasse la carrière des armes sous la bannière du prince de Nassau. Il éblouit les savants de Bréda par sa maturité en mathématiques, écrit un traité de musique en latin jusqu'à la fameuse nuit du 10 novembre 1619, durant laquelle il fait 3 songes dont il nous a laissé le récit. Il a 23 ans. Il comprend que le ciel lui a envoyé l'idée d'une méthode pour bien conduire sa raison, ce qui implique une croyance et une confiance fondamentale en soi-même, comme l'écrira Paul Valéry. Le cartésianisme est né, une doctrine qui eut une influence considérable, non seulement sur la philosophie, mais aussi sur les sciences. Déjà Montaigne avait fait de l'étude du moi le centre de son travail. « Je n'ai d'autre objet que de me peindre moi-même ». Descartes introduit le doute, réfléchit, voulut, aussi bien dans les raisonnements mathématiques que dans la réflexion humaine pour conduire sa propre vie. C'est une révolution. En mathématiques, l'invention cartésienne conquiert la mécanique, la physique, car le doute conduit à examiner chaque phénomène, en analyser les causes, les liens. Il introduit le principe de relativité, la substitution du nombre à la figure, soumet toute connaissance à une comparaison de grandeur. Il s'attaque à la géométrie, à l'algèbre. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Quelles sont donc les règles essentielles de sa méthode? Pour atteindre la vérité, ce qui est son objectif, voici les principes. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour mieux les résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître. Et le dernier, de ne rien omettre. Un peu plus tard, dans les principes de philosophie, Descartes développe ses réflexions sur le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Et à partir du moment où je pense, je doute, j'existe, je raisonne, ce qui conduit à la certitude de l'existence de Dieu, auteur de toutes ses créations. Les principes cartésiens ont directement inspiré les philosophes du XVIIIe siècle et la Révolution française, le culte de la raison. Ces idées continuent d'alimenter les polémiques, et notamment celles sur les relations entre l'esprit et le corps. Penser librement est la chose la plus importante du monde. Je suis, j'existe. Ce qui enchante en lui et nous le rend vivant, dit Paul Valéry, c'est la conscience de soi-même, de son être tout entier rassemblé dans son attention, conscience pénétrante des opérations de sa pensée, conscience si volontaire et si précise qu'il fait de son moi un instrument dont l'infaillibilité ne dépend que du degré de cette conscience qu'il en a. »